Le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a lancé le 10 une déclaration sous le titre « Édifiant une société nouvelle indépendante, démocratique et réunifiée avec la force d'avoir destitué la traîtresse à la nation Pakunet ». Il a appelé à réaliser la justice de la société et à améliorer les rapports intercoréens avec la force d'avoir révoqué Pakunet pour ainsi bâtir une société nouvelle indépendante, démocratique et réunifiée.